La première, qui fait référence à la séparation des choses, la décomposition des parts d'une entité globale. D'après, il y a un précis sens quantitatif, dans le sens analyse. Et finalement, dans les domaines de la mathématique, analyse fait toujours référence à la solution d'un problème. Alors, qu'est-ce que veut dire analyse spatiale, si vous voulez généraliser analyse espace-temporelle? Ça voudrait dire que nous, on peut trouver les parties dont certains continuums espace-temps est formé. Est-ce qu'on peut décomposer l'espace-temps? Est-ce que ces composants de l'espace et du temps ont un sens quantitatif? Est-ce qu'on peut décrire d'une façon formelle les composants spatiales et temporales de le continuum espace-temps? Et finalement, et quel est le problème que nous voulions résoudre avec tout cela? Alors, on commence par l'idée de qu'est-ce que c'est l'espace. Alors, je commence à faire des questions. Est-ce que vous pouvez définir l'espace? Vous utilisez toujours le mot « espace ». Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un monde en trois dimensions, c'est quoi? Les mondes en trois dimensions. Oui, bah, yeah. Alors, l'espace, c'est ce que vous représentez avec un système. Ouais. C'est une drôle de façon de définir à partir d'une représentation. Quel est le concept que vous voulez utiliser? Le concept de l'espace, c'est une portion de la surface terrestre. Oui, mais c'est une définition assez réduite. Parce qu'il y a un espace sémantique, il y a plusieurs façons d'utiliser le mot espace. Un système de position. Il y a un certain sens, mais la position est fondamentale pour définir l'espace. Mais l'espace ne peut pas être réduit seulement à la position des choses. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace? Voilà la réponse. Rien. L'espace n'existe pas. Alors, c'est l'anti-Kant. Il n'existe pas une chose qu'on appelle espace. L'espace, c'est la façon que nous avons de représenter les mouvements des choses. Des choses autour de moi autour des choses. Il existe l'espace parce que ça existe le mouvement. Si vous êtes dans un bateau au milieu de la mer, il n'y a aucune limite. Vous n'avez pas un sens de l'espace parce que vous ne pouvez pas mesurer les mouvements. Même au désert, si le désert est complètement plein, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas de point de référence, ça n'existe pas l'espace. Bien sûr, il existe un espace physique. Mais l'espace, c'est une propriété relationnelle des choses. C'est une façon à comprendre le monde. Bien sûr que le monde existe. L'idée de position, comme on l'avait vu, mais aussi l'idée de distance. L'idée de distance qui est toujours en rapport avec l'extension, mais aussi avec les temps que j'ai besoin pour arriver à n'importe quel point. C'est pour cela qu'un petit délai n'a aucun sens de l'espace. Jusqu'à partir du moment où le bébé commence à pouvoir se déplacer. Notre conscience de l'espace physique existe en mesure de notre possibilité de nous déplacer. Et nous pouvons déplacer parce que nous pouvons voir, c'est-à-dire comprendre les temps qu'on a besoin pour arriver à notre point. Combien de dimensions a l'espace? Bien sûr, on parle de trois dimensions. Pourquoi? Parce que c'est la façon la plus simple de décrire l'espace. Et le temps? Est-ce que le temps a quelque chose à voir avec l'espace? Est-ce qu'il y a une chose qu'on appelle le temps? Qu'est-ce que c'est le temps? C'est la même chose que l'espace. Je suis anti-kantien sur les notions anoméniques de l'espace. Bien sûr, le temps n'existe pas. Qu'est-ce que ça existe? Existe l'échange, la modification, les successifs états de n'importe quelle entité. À mesure que j'arrive à détecter différents changes, change une propriété visuelle, une propriété non visuelle, etc., je peux arriver à mesurer la différence qu'il y a entre un changement et un autre changement. Cette différence entre deux états, on l'appelle duration. Alors, pour détecter les temps, il faut détecter des événements différents, des succès différents. C'est la discrimination visuelle, non visuelle, de n'importe quelle chose, qui nous permet de parler de l'existence du temps. S'il n'y a pas une modification, je ne peux pas parler du temps. Combien de dimensions a le temps? Cela dit que l'espace a trois dimensions, que c'est la quantité de x de mesure nécessaire pour faire une représentation complète. Combien de x de mesure on a besoin pour exprimer les variations temporelles? Traditionnellement, on utilise seulement une, que c'est le calendrier. Mais théoriquement, du point de vue de la philosophie, le temps a deux dimensions. La dimension de la sériation, un événement après l'autre, mais aussi la duration de n'importe quelle question. Normalement, ce sont deux numéros complètement différents. Quelle est la position d'un événement et quelle est la duration de cet événement? Alors, comment est-ce qu'on peut traduire tout cela en une idée de l'analyse spatio-temporale? Est-ce qu'on peut distinguer des parties différentes de ce concept espace-temps? Dans le cas de l'espace, ça pourrait dire qu'il faut décomposer la réalité pour trouver des parties différentes. Dans la géographie, dans l'analyse spatiale, ça existe la définition des variables spatiales. Alors, nous aurons la possibilité de l'analyse en la mesure que nous sommes capables de définir des variables spatiales, des variables qui ont un composant qui a quelque chose à voir avec la distance ou l'extension. Et la question des temps, c'est la même chose. Alors, ça c'est plus archéologique. Il faut que nous trouvons les différences des choses. Alors, c'est l'histoire du site, la formation du site. Si nous pouvons détecter une séquence des choses qui ont changé, on peut parler du temps. Ça veut dire qu'on trouvera des variables temporelles. Alors, l'élément le plus important, pour entendre spécifiquement les temps dans un site archéologique, c'est la définition des processus de formation et déformation du site archéologique. De la déposition initiale, l'abandonnement du site, tous les processus post-dépositionnels, et aussi l'influence de l'investigation même. Alors, ce sont les archéologues qui ont créé leur site archéologique. Ce n'est pas une chose qui existe avant la décision des archéologues pour faire les identifications. Il faut voir aussi que le continuum espace-temps en archéologie, c'est une séquence, une intersection des agents sociaux, des activités sociales, des produits de ces agents avec ces sociétés, mais aussi des processus naturels qui ont actué et ont conformé un espace et aussi une séquence ou une trajectoire d'échange et des modifications. Alors, le début de notre analyse, ce serait l'identification des variables, étant donné surtout avec trois grands types. La quantité des choses. Des choses bien identifiées, bien sûr. La présence des choses qu'on ne peut pas compter. Il y a des choses que... La seule chose que je sais, c'est qu'elles sont là. Je ne sais pas dans quelle quantité apparaît un certain lieu. Et aussi, une autre chose qu'en archéologie, on oublie toujours, c'est l'importance, la rélevance de l'espace vide. En archéologie, l'absence d'information n'est une évidence d'une absence. Quelquefois, il faut chercher si quelque part de l'espace archéologique était vide en origine, même si aujourd'hui, il est vide. Bien sûr, on a besoin d'une théorie de l'observation, ce qu'on a parlé les jours avant. Alors, la théorie de la forme, des dimensions, de la matérialité. Seulement, à mesure que nous pouvons détecter des matérialités différentes, et que ces matérialités différentes ont des propriétés matérielles, physiques, mécaniques différentes, nous pourrons essayer de faire une analyse de le rapport de ces choses avec toutes les autres choses qui sont dans son entourage spatial, mais aussi temporel. Alors, on va faire, et passons, et pour cela, on a besoin de faire la mesure de l'espace et la mesure du temps. La mesure de l'espace, c'est-à-dire des coordonnées spatiales, et la mesure du temps, c'est-à-dire des mesures radiocarbone, etc. Étant donné que l'espace a trois dimensions et le temps a deux dimensions, la dimensionnalité de l'espace archéologique nécessairement est cinq dimensions. Pourquoi ? Parce que pour n'importe quelle information archéologique, il faut retenir la place, la position dans une séquence d'événements, la duration de cet événement, et aussi la ubication, la position de ces choses sur l'espace tridimensionnel. Ouais. C'est quoi les deux dimensions du temps ? La séquence et la duration. La durée, pardon. Non. Il y a une chose, mais cette chose a eu une vie. Si je trouve un objet dans un site, combien de temps a été nécessaire pour la formation de ce contexte dépositionnel ? Quelle était la durée de vie d'un objet qu'on a trouvé ? Bien sûr que cet objet est situé dans un rapport chronologique, mais en plus, il y avait une duration. Cette duration est non nulle. Un événement historique, c'est toujours instantané. Une bataille. Une bataille, combien a duré ? 3 ans ? Ça dépend de l'événement. En archéologie, la plupart des événements qu'on étudie ont une durée. Ce ne sont pas des événements instantanés. Est-ce que ce n'est pas le même type de rapport entre la durée et l'événement que dans l'espace, entre l'étendue et le point ? Oui, est-ce que c'est des dimensions chose. Supplémentaires oui. Est-ce qu'on peut dire que les 5 dimensions sont sur le même ordre ? Je crois que c'est un continu de 5 dimensions. N'importe quelle observation archéologique, il faut avoir une extension. Alors cette extension, je la peux mesurer seulement avec les 3 dimensions de l'espace. Ça veut dire que j'ai besoin de plusieurs informations. Pour un point, l'espace, j'ai besoin de plusieurs points. Par exemple, on verra après avec l'idée du centroïde en mathématiques. Normalement, je ne signale pas sur l'espace une unité résidentielle. Il y a plusieurs éléments de cette unité résidentielle. Si j'ai seulement un objet qui est un objet complexe, une maison par exemple, cette maison a une extension. C'est un des grands problèmes quand on fait la cartographie à grande échelle. Un point que c'était une ville de l'âge de bronze ou une ville de l'âge de fer. Mais ce point avait une extension. Alors, on doit commencer à travailler avec des vecteurs 5 dimensionnels pour n'importe quelle observation ou identification archéologique. Maintenant, souvenez-vous du problème archéologique que l'on voulait résoudre. Alors, on a vu les propriétés physiques des choses. Toutes ces propriétés physiques doivent être déterminées sur l'espace et à travers le temps. Ça, c'est l'information que nous avons besoin. Et le problème, et pourquoi pas ? Pourquoi est-ce qu'on doit nous compliquer la vie ? Parce que théoriquement, nous avons un sujet, nous voulons résoudre où une activité a été placée sur le passé. Quelqu'un a fait quelque chose où, dans une place. Et bien sûr, les observables archéologiques ne sont pas d'activité. Il s'agit ici d'une différence. J'ai pu trouver des restes osseux, mais est-ce qu'on a bûché un bison ou est-ce qu'on chassait le bison ? Ce sont des activités différentes. Il faut voir les refuges accumulés sur place, à quelle activité était en rapport. Et à partir des éléments matériels qui sont en certain relation avec l'activité, déduire, inférer, raisonner avec la place de cette activité. Où est-ce que c'est passé? Eh bien, évidemment, nous avons une intuition où les restes matériaux en rapport avec l'activité sont plus abondants, ça serait théoriquement l'endroit où l'action a été faite. La première question, c'est le pourquoi, pardon, c'est le où. La deuxième question est pourquoi. Alors, pourquoi ces bois sont brûlés ici? Parce qu'il y a eu une autre activité au même lieu. La voie brûlée est ici parce que quelque chose est passé sur place, un feu. Deuxième question, pourquoi on fait un feu ici alors que quelqu'un voulait manger? Vous voulez voir, il y a une chaîne des choses. Nous, à partir du moment où nous connaissons où, on peut commencer à demander pourquoi, quelles sont les deux grandes questions en archéologie. Alors, quelle serait la chaîne de raisonnement? C'est l'observation. Théoriquement, on commence parce que dans un endroit, on suppose que quelque chose a été fait dans un moment, initialement un procès du passé. Alors, sur cet espace, il faut mesurer la variabilité de l'espace-temps. Il y a beaucoup de choses. Il faut faire des identifications. Il faut décomposer l'espace-temps pour savoir différents événements qui sont succédés sur cette place. Alors, il faut simuler d'une certaine façon ce que nous savons sur des activités. Si je ne sais pas absolument rien, je n'arriverai jamais à entendre comme un registre archéologique des matériaux lithiques est en rapport avec des activités de travail. Souvenez-vous de ce que je vous disais avant sur l'idée de la déduction archéologique et de l'analyse expérimentale. Si je ne sais pas comment une activité a produit des traces matérielles, c'est impossible que je puisse inverser le système de raisonnement. L'archéologie, c'est un raisonnement à l'envers, où à partir des résultats matériels, il faut prédire l'activité qui a produit ces objets. Et seulement à la fin, on arrivera à l'interprétation dans les mots, dans le langage verbal ou dans le système pour lui expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on commence par la partie la plus simple, la mesure de l'espace. Heureusement, en France, il ne faut pas faire de la publicité de système parce que ça a été l'archéologie française qui a inventé les registres tridimensionnels archéologiques. Mais c'est incroyable qu'on au début du 21e siècle, la plupart des excavations, des fouilles, sont faites encore aujourd'hui sans un système intégral de mesure 3D. Il y a une discrimination qualitative de l'espace. Il y a un cadre fouillé, quelque chose sont dessinés, mais il n'y a pas un systématique de absolument toutes les données quantitatives. Qu'est-ce qu'il faut mesurer? Absolument tout. Du point de vue théorique, c'est n'importe quel objet plus grand que la moitié d'un centimètre carré. Cela veut dire beaucoup de travail. Dans l'époque où avant, hein, nous avions un niveau d'eau, c'était vraiment dur. Après, sont arrivés les théodolites. C'était dur parce que c'était les théodolites, il fallait écrire beaucoup de choses. Quand j'ai commencé à faire des fouilles aux années 80, alors personne prenait beaucoup de points. Il faisait un système de triangulation avec les niveaux assez compliqué. C'était assez compliqué, on avait besoin d'une demi-heure pour prendre une seule mesure. Par conséquent, c'est un des objets vraiment très, très particuliers, était triangulé, coordonné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? les théories électroniques à contrôle remote par laser, ou bien nous avons les scanners 3D, nous avons les LIDAR, la photogrammétrie. Alors, les mécanismes modernes aujourd'hui pour prendre la totalité de l'information spatiale sont incroyables. Avec un scanner 3D, nous avons millions de points, avec une définition vraiment de 1,5 mm. Alors, si on peut choisir, nous aurons tous les objets mesurés avec des coordonnées X, Y, Z. Mais la plupart des matériaux les plus intéressants ne sont trouvés jamais au moment de la fouille. Ils sont trouvés au moment du cribage. Il y a beaucoup de matières très très importantes, des bactéries, des poissons, des petits micro-lames, beaucoup de matériaux qui sont trouvés au moment du cribage, au moment de la flottation, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces deux sortes de matériaux? Nous avons des données, des fréquences, des quantités, et des données qui sont repérées seulement pour les coordonnées. Il y a des façons à compter l'information spatiale. Ce qu'on appelle en anglais counting, count, énumération, recompte, si vous voulez, et la fréquence. Un des grands problèmes d'archéologie est que la plupart des archéologues confondent le recompte avec la fréquence. Et on utilise le recompte pour faire n'importe quelle interprétation. À mes fouilles, j'ai 80 objets de ce type. Dans cette autre fouille, il y a seulement 2. Oui, mais bien sûr, le problème du recompte est-ce que est relatif à l'extension fouillée. Et presque jamais, nous faisons des analyses de conversion du recompte en fréquence. Alors, on commence pour voir comment convertir. Comme d'habitude, si je peux choisir, je préfère le scanner 3D et absolument toutes les données ont très grande précision de mesure. Mais ce n'est pas normal. Alors pour cela, j'ai besoin des unités de... Comment ça s'appelle un simple, en français, échantillon. Alors, à la pratique, beaucoup de fouilles de l'âge du fer en avance, on travaille avec un échantillon, un système d'échantillonnage d'un mètre carré. C'est bien si l'objet d'étude vraiment est une ville romaine, médiévale. Mais la précision, ça perd beaucoup. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est des unités d'échantillonnage plus petites. En pratique, on travaille surtout avec deux carrés de 1,5 mètre. 50 cm. Pour absolument tous les différents carrés, il faut faire la totalité de l'information. Tous les objets, de toutes les catégories, même pendant le cribage. Ça veut dire que le cribage doit être contrôlé par les mini-carrés qu'on veut étudier. Problème, et quel nom on donne à cette unité d'échantillonnage? C'est normal. Alors on commence à dire A, B, C, D. Mais la réalité est que nous n'avons pas de coordonnées. C'est un système absolument qualitatif de description de l'espace. Il y a 4 objets catégorie A sur la catégorie, sur le carré A. Et c'est où le carré A? Il faut aller sur la map pour voir si vraiment le carré où est. Pour toute l'analyse qu'on fera après, nous avons besoin des coordonnées. Des coordonnées X, Y, Z. Alors, il faut ordonner une façon que toutes les unités d'échantillonnage ont précisément une coordonnée X, une coordonnée Y. Et que ces coordonnées des unités d'échantillonnage, ce sont les coordonnées générales du site. Pour pouvoir mettre en rapport toutes les coordonnées des objets qui ont des coordonnées individuelles avec tous les objets qui ont été repérés seulement par cribage contrôlé par unité d'échantillonnage. Et la solution s'appelle les centroïdes. Ce que vous avez besoin, c'est d'un système où vous avez une coordonnée 0, 0, pour l'instant pas seulement en deux dimensions. Cette unité, c'est carré 0, 0, ce sont les coordonnées générales de la fouille. C'est-à-dire, le plus petit, c'est très très loin de l'air fouillé. Parce que c'est tout simplement un point de référence 0, en dehors de la zone fouillée. À partir de cette zone, nous commençons à faire tout le système de mesures. Tous les futures sessions de fouilles auront besoin de voir exactement les mêmes coordonnées. Et quelles coordonnées ? On prend toujours les points centrales. Alors, au lieu de dire ça c'est le carré 1-1, et non, le centroïde, qu'est-ce que ça veut dire ? Que le 1 métro est ici. Ça veut dire que le centroïde, c'est sur le point 50 cm. Alors, la première unité d'échantillonnage sera toujours x.5, y.5. Et la deuxième sera la 1.5, y.0.5. Vous comprenez le système? De cette façon, vous avez exactement le même système de coordonnées pour les échantillonnages par R et les coordonnées des objets. Tous les objets sont dans le même système. Qu'est-ce qu'on peut faire quand les R d'échantillonnage sont irréguliers? Par exemple, vous avez la chance de fouiller un site avec un urbanisme assez complexe. Pourquoi utiliser le carré d'échantillonnage si nous pouvons utiliser les mêmes unités de division de l'espace que les gens du passé utilisaient? Les maisons, les chambres, les aires d'activité. Un aire d'activité peut être aisément mesuré par un système polygonal. Et après, on peut calculer le centroïde de cette zone et nous pouvons faire plusieurs calculs de point central qui s'appelle centroïde pour n'importe quel R. En conséquence, ce sera cette R qui aura une quantité d'objets. Et nous pouvons repérer toujours les différents R avec des quantités. Ça, c'est la forme qui aurait notre base de données. Nous avons deux possibilités. La première possibilité, que chaque point est une observation. Nous avons dans cette idée, seulement, tellement de points comme objets ont été coordonnés. La deuxième possibilité, c'est que nous avons des unités d'échantillonnage. Peuvent être équilibrées, c'est-à-dire toutes les unités d'échantillonnage ont la même extension, ou bien régulier. Attention, parce que tout cela, ça marche très bien, mais l'espace archéologique n'est pas bidimensionnel, est trois-dimensionnel. Il faudrait répéter tout avec le système stratigraphique. Si vous faites les sections stratigraphiques traditionnelles, on perd toute l'information parce qu'on ne connaît pas l'extension de l'unité stratigraphique. Mais un système très trois-dimensionnel de la stratigraphie, comme nous avons vu le premier jour, permet le calcul du volume de absolument toutes les unités stratigraphiques qu'on peut réparer au moment du fouillis. Tout cela, c'est la question la plus simple. Tout le monde utilise des systèmes de mesure quantitatifs absolus de l'espace. Maintenant, on arrive à la mesure du temps. Comment est-ce qu'on peut mesurer le temps? D'abord, la mesure relative traditionnelle, la stratigraphie. Attention, parce qu'ici, on commence à avoir des problèmes. Parce qu'une section, c'est une représentation bidimensionnelle. Et on perd beaucoup, beaucoup d'informations quand l'information stratigraphique est donnée seulement sur les sections. Et ce n'est pas en France, mais en Espagne, c'est la tyrannie de la matrice de Harris. Alors, je ne parle pas de la matrice de Harris, il y a des software qui est vraiment intéressant. Quelques-uns, il faut payer, ils sont moins de 100 euros, d'autres sont gratuits. Alors, si vous avez besoin de faire une matrice de Harris, c'est très très simple. Problème de la popularité, qui est très très limitée. Et surtout est amétrique et topologique. Qu'est-ce que nous donne la matrice de Harris? Seulement, il y a un objet est antérieur postérieur à notre unité. D des unités sont indépendantes ou bien sont contemporaines. Il y a seulement trois informations. Alors, on peut aller à l'intelligence artificielle pour avoir un langage temporaire beaucoup plus performant. Ça s'appelle l'algèbre Allen. L'algèbre Allen est plus ou moins la même chose, c'est-à-dire des systèmes topologiques d'ordonnement, avec un vocabulaire universel des systèmes temporaires, beaucoup plus riche. Alors, une unité commence quand l'autre a déjà commencé. Par exemple, les possibilités de matisation, de donner des significations approfondies à la séquence temporelle, même en certain sens qualitatif à la durée, est beaucoup plus riche. Malheureusement, je ne connais aucun fruit qui a implémenté l'algèbre Allen pour le discours du temps. Pour ce discours du temps, pour l'utilisation de tous ces éléments, une chose vraiment fondamentale, qui c'est l'étude de la taphonomie. Comment et pourquoi les différentes unités stratigraphiques sont créées, on t'a parlé. Ça s'est assez répandu dans le monde préhistorique. Presque tous les préhistoriens qui font des fouilles, alors, essayent d'analyser la taphonomie. Mais dans beaucoup de fouilles postérieures, c'est tellement simple et tellement riche à les structures d'espace construit, alors la taphonomie, ça n'existe plus. Alors, une matrice sédimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est une accumulation éolique, ou bien c'était un ancien mortadoc qui est tombé. Et ce sont des choses fondamentales. Si après on veut utiliser les volumes de l'unité stratigraphique pour donner quelques idées à propos de la durée du temps. Attention, on répète la question volumétrique. C'est très intéressant, mais presque jamais le volume de l'unité stratigraphique est un multiple de la durée qui était nécessaire pour faire ce volume sédimentaire. Une accumulation éolique est assez lente. Un mur peut être tombé avec une grande vitesse. On peut trouver un couche archéologique argileuse, vraiment très très volumineuse, qui a été formé seulement pour l'écroulage d'un mur. Durée de la formation de cette matrice sédimentaire, 5 ans. Tandis qu'une accumulation éolique peut avoir besoin de 100 ans. Vous voyez, comme vraiment, il faut comprendre beaucoup les processus taphonomiques pour essayer de reconstruire à partir des dimensions et du volume de l'unité stratigraphique une séquence temporelle. Tout cela nous laisse tout simplement une seule chance pour la détermination archéologique, chronologique et archéologique, que c'est les radicaux. Bien sûr, il y a des préhistoriens très, très, très préhistoriques qui disent oui, d'accord, mais alors, c'est la même chose avec le thorium, le uranium thorium, potasse, argon, etc. Ce sont les seuls qui peuvent dire oh, oui, le carbone 14 n'est pas si performant. Le grand problème que nous avons, c'est avec l'archéologie historique. L'archéologie historique dit, bon, nous avons besoin, nous avons assez avec les monnaies, avec des documentations historiques, et on n'a pas besoin de cette documentation. Mais la chronologie d'un site archéologique n'est pas la chronologie des monnaies qu'on trouve sur cette terre, pas des phénomènes de décentralisation, etc., etc. Bon, il faudrait trouver toujours « made in Rome », l'année exactement de la production, mais ce n'est pas assez simple d'essayer de le faire. Je ne parle pas beaucoup de choses sur le carbone 14, mais desiderata, alors utopie. On a besoin d'un minimum de 30 datations par unité stratigraphique. Le prix actuel pour une datation traditionnelle, c'est-à-dire sous charbon, on a besoin d'environ 50 grammes de matériel, c'est 95 euros. Et bien sûr, ce sont des échantillons de vie longue. Nous avons besoin des échantillons de vie courte. Ça veut dire des petites graines, des petites questions. Une mesure MES avec Aaron, aujourd'hui sur le marché, va à environ 600 dollars. Si vous avez un rapport spécial avec un laboratoire, probablement vous pouvez trouver 120 dollars à peu près. Ce que nous obtenons avec les laboratoires de Séville, par exemple. J'imagine qu'ici en France, vous pouvez travailler avec Lyon ou avec un autre laboratoire pour obtenir des prix spéciaux. Mais, dans les meilleures de toutes les solutions, 120 dollars par échantillon. Vous avez besoin, en théorie, de 30 échantillons par unité statigraphique. Alors, prenez la calculatrice, commencez à multiplier tout ce que vous avez besoin. Ce sont des milliers de data sets. Ça serait l'utopie. Parce qu'avec cette utopie, on peut faire ces analyses qu'on appelle de H-depth, des états profondeurs, qui sont typiques en paléontologie. On peut essayer de trouver un rapport entre volume sédimentaire et variabilité temporelle de tous les éléments qui sont dans n'importe quel volume statique. Existe la technologie, existe la technique, c'est un problème sociopolitique. Il faut trouver l'argent pour le faire. Alors, attention, commencez à concentrer un petit peu dans la carbone 14. On dit que c'est une mesure absolue, mais ce n'est pas une mesure absolue, parce que le résultat, c'est un intervalle probabilistique à l'intérieur duquel différents, plusieurs dates sont possibles. Nous avons deux intervalles de probabilité. Un premier intervalle, que c'est le résultat du processus de mesure, c'est le traditionnel sigma qu'on a dans tous les laboratoires. 1800 plus ou moins 33. Cette erreur de mesure, on assume qu'elle est symétrique. Il y a toute une prévue théorie de ces erreurs de mesure qui sont symétriques et se distribuent à partir de la courbe de Gauss-Laplace. Problème, qu'une mesure peut être corrigée. Pourquoi? Parce que la quantité de carbone 14 à l'atmosphère est irrégulière. C'est une question qui dépend de la dynamisme solaire. Comme la quantité de carbone 14 est irrégulière, il faut toujours corriger les datations de carbone 14 avec ce qu'on appelle la courbe des data de calibration, qui est obtenue à partir d'une séquence dendrochronologique qui aujourd'hui, on sait parfaitement que c'est une référence presque partout de la planète. Avec beaucoup de données, aujourd'hui, est assez ferme dans ce sens. Résultat de la calibration, c'est un intervalle probabilistique non symétrique, non gaussien. Différentes parts de cet intervalle ont différentes probabilités. Ça donne un problème pour travailler avec les mesures de rayons carbone. C'est assez normal de travailler avec la médiane. C'est faux. Parce que la médiane, le point central dans l'intervalle, c'est presque toujours la partie la moins rélevante probabilistiquement de l'intervalle. Alors, si vous résumez une datation de carbone 14 seulement avec un numéro, vous vous trompez et vous introduisez beaucoup de bruit statistique, bruit qui est non aléatoire. Il y a beaucoup de logiciels gratuits pour faire toute cette analyse. Bien sûr, aujourd'hui, le grand classique, c'est Oxcal, et c'est le Sénat Philippe Janos qui vient de créer un nouveau logiciel, ChronoModeler, qui serait la contribution française sur ces questions des logiciels. Attention à ces dates absolues. Il y a plusieurs erreurs très très importantes qu'il faut connaître avant de travailler avec le radiocarbone. D'abord, ce sont les erreurs archéologiques, les erreurs du laboratoire et bien sûr l'erreur qui est produite par le de calibration. Ce n'est pas une question de commencer à discuter toutes ces erreurs, mais question importante. Il ne faut pas prendre les mesures, les échantillons pour faire l'analyse, n'importe quoi. Ah bon, un morceau de charbon, ça va très bien. Il faut choisir toujours avec beaucoup de rationalité. Alors, chercher des unités stratigraphiques qui sont en position primaire, pas renversées, pas altérées. Alors, si vous avez un échantillon qui est sur au milieu d'une matrice sédimentaire, vraiment n'est pas très explicatif de son contexte. Il faut trouver toujours un niveau d'occupation. Les accumulations des grains, par exemple, des charbons, des couches stratigraphiques, les processus de formation desquels soient bien connus. Si nous ne savons pas, alors ça c'est une matrice argileuse, mais je ne sais pas d'où vient cette argile, on ne peut pas le dater. De plus en plus, très important, le reste osseux, surtout humain, parce que nous avons la vie moyenne de cet individu. Si vous avez des animaux ou des humains en état juvénile, mieux parce que l'âge moyen d'échantillon est connu. Bon, je ne parle pas sur les éléments. Aujourd'hui, c'est très très à la mode l'utilisation des grandes bases de données en archéologie. En France, vous avez une base de données française, à Lyon, je crois. Problème que la plupart des bases de données sont seulement des séries de datation si on a la chance avec la géoréférenciation en coordonnées UTM, irrégulières et sans contrôle. Il y a quelques années que on a créé la base de données de radiocarbone de la Catalogne espagnole. Par des raisons d'argent, de définition politique, a été seulement la définition strictement politique de la Catalogne actuelle. C'est l'ère des activités du Musée national d'archéologie catalane. On a essayé d'utiliser aussi des matériaux de Castellón, de la frange d'Aragon. On voudrait utiliser toutes les données aussi françaises. La seule chose qu'on a fait à niveau international, c'est Andorra. Alors Andorra, c'est inclus dans la base de données. Décidé, c'est une base de données qui aujourd'hui existe sur Internet. Vous pouvez aller la chercher. Si vous cherchez 44 Catalogne, vous trouverez toujours. Alors, il y a des différents attributs. Bien sûr, c'est le code du laboratoire, matériaux qui a été échantillonné, les sites de procédance avec une définition du site du point de vue qualitatif, mais aussi géoréférencé par UTM corrigé. Et bien sûr, ce qu'il y a, c'est toute une information, comme vous voyez, une information chronologique, de type archéologique prédominant dans les contextes. Par exemple, ici, Tascarene, contexte fonctionnel, c'était un lieu de résidence ou bien une nécropole. C'est aussi une étiquette culturelle, post-finata. Il y a beaucoup de faire. Nous donnons la possibilité aux chercheurs d'envoyer les données, les nouvelles données, pour que la base de données soit actualisée. Mais, pour l'instant, c'est tout simplement avoir une datation. La datation, c'est un échantillon organique, et associer une information culturelle à ce contexte. Mais qui a fait cette rapport? Et c'est un des grands problèmes. Pourquoi on dit que cette date correspond au proche final? Parce qu'il y a eu quelqu'un, bibliographie bien sûr, qui a dit « Je crois que cette datation est en rapport avec cet objet. » Oui, mais nous ne savons pas les contextes stratigraphiques. Et comment faire? Alors, on prendrait toutes les dates du néolithique. Qu'est-ce que ça veut dire, date associée au néolithique? Peut-être qu'ils sont assez anciens pour comprendre que c'est le néolithique. Ce sont contextes archéologiques avec l'étiquette culturelle néolithique. Il faut aller beaucoup plus loin. Et maintenant, on commence à travailler. Nous avons un nouveau projet pour créer la base des données de radiocarbone de toute la péninsule ibérique et région limitrophe. Bien sûr, le sud de la France, un peu. Je ne sais pas jusqu'à où le sud de la France, ça dépendra des chercheurs français qui le collaborent. Et le système que nous essayons, c'est de faire quatre niveaux de contexte. D'abord, nous avons toute l'information sur l'échantillon. Après, les contextes immédiats de l'objet. Cet échantillon a été trouvé dans une unité statigraphique. Et le chercheur qui a fait la fouille connaît absolument très bien quelle est cette unité statigraphique. Même si, théoriquement, la monographie des fouilles dit alors unité statigraphique, synthèse. Nous avons cet échantillon et tous ces objets. Alors, il faut d'abord caractériser les contextes primaires immédiats. En général, on nous réfère comme les contextes dépositationnels. Mais après, nous avons un système stratigraphique pour comprendre qu'il y a une unité stratigraphique qui n'a pas une donnée radiocarbone, mais stratigraphiquement est contemporaine d'une autre unité stratigraphique qui a une datation. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les contextes archéologiques, les contextes relationnels, relatifs. Et finalement, nous aurons un contexte global. Cette site datée, on peut dire que c'est un néolithique. Pourquoi ? Parce que le contexte relationnel, avec matériaux caractéristiques, peut être daté, peut être placé sur l'étiquette néolithique. Alors, il y a des différentes variables, mais la possibilité d'avoir un champ de la base de données qui donne toujours une mesure de validité. Bien sûr, il y a une validité à partir directement de la date. Le laboratoire dit attention, cette date avait des problèmes analysés à partir de l'analyse chimique préliminaire de la date. Ou bien, quand la courbe de calibration pour cette période donne une erreur trop longue. Par exemple, un débilage de fer, Hallstatt. Par des problèmes de la courbe de calibration de cette époque-là, à un intervalle normal, c'est 200 ans, par cette époque-là. À partir de la nature du contexte immédiat, on peut faire aussi une validation des dates. À partir de l'entrée du contexte relatif, la validation perd. Bien sûr, c'est beaucoup mieux si la datation est dans la même unité stratigraphique qu'il y a quelques rapports de contemporanéité plus ou moins observés par le chercheur, par le fouilleur, mais ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même validation. Alors, projet de la base de données de la péninsule ibérique est déjà commencé. Nous avons un meeting au milieu d'octobre de cette année. C'est le grand. On organise une grande conférence sur toute la chronologie de la péninsule ibérique et la région limitrophe. Nous avons invité tous les Portugais de Gibraltar, qui sont des pays indépendants de la péninsule ibérique. Ils ont une séquence chronologique extraordinaire. L'Andorra, mais bien sûr, des chercheurs français aussi sont invités pour venir présenter quelle est la chronologie radioactive, radiocarbone du sud de l'Europe. Des choses qu'on a fait avec les bases de données, nous avons préparé une base de données de tout l'âge du bronze, pour toute la région de l'Ebro jusqu'au milieu du Danube. Il y a, comme vous voyez, plus de 1700 datations avec des différents contextes analysés et surtout filtrés. Il y a une base de données qui essaye d'expliquer absolument tout ce qu'on a trouvé à partir de la bibliographie de la fouille, mais seulement la géoréférenciation de cette datation, mais toutes les données que nous connaissons à propos des contextes datés. Et maintenant, on travaille sur une base de données similaire pour tout ce que le néolithique moyen final. C'est le chasseil. Alors, ce serait le sépulcras des fossiles de l'ouest de la péninsule, chasseil, base de Boca Quadrata, la Rozza, un peu toute cette région-là du néolithique final. Jusqu'ici, les données. On a vu que vraiment mesurer l'espace-temps est possible. Les mesures sont vraiment très très bonnes par l'aspect spatial. Nous avons des problèmes qui sont ici inhérents aux méthodes de mesure du temps, On peut travailler avec ces intervalles de probabilité qu'on verra après. Alors, on voit l'analyse spatiale. Et après, on verra l'analyse temporelle. Souvenez-vous de la question que nous voulions résoudre. Où est passé quelque chose? Nous avons les données matérielles. Et ce qu'on veut, ce qu'on nous demande, c'est si une activité a été placée. Du point de vue de l'intuition, où les restes matériaux sont plus abondants, ça serait le droit le plus probable du placement de l'action. Alors, ça, c'est de la théorie mathématique. Du point de vue de l'abondance et la densité des données, les activités ont été placées là où les résultats sont les plus abondants. Bien sûr, ça implique que vous connaissez parfaitement les rapports, les mécanismes entre l'activité et les conséquences matérielles de cette activité. Il y a une première équation qui s'appelle l'équation de Descartes, l'équation de Dreyfus, qui a été formulée par Schiffer. Il y a eu des auteurs antérieurs. Schiffer a fait la dernière définition, qui appelle de la quantité totale des résultats matériels d'une action, qui dépend de la quantité d'artefacts, d'outils qui est en circulation au moment qu'on étudie, les périodes, la durée de cet événement, et finalement, la vie moyenne d'un objet. Un objet peut être utilisé dans 100 ans, ou peut être utilisé et remplacé dans 3 ans. À partir de cette analyse, il y a beaucoup de chercheurs, surtout américains, qui ont essayé de faire des interprétations temporaires, c'est-à-dire les plus grandes quantités d'objets qu'on trouve, la plus longue la durée de l'occupation, ou bien le fait clair qui est opposé. La plus grande quantité d'objets qu'on trouve, la plus grande leur dimension du groupe humain qui était impliqué. Problème que tous les deux peuvent être possibles, et l'un ni l'autre. Beaucoup de quantités d'objets, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait beaucoup de gens, ou que la durée était très très longue avec trop peu de gens. Ce n'est pas facile de dire n'importe quel moment quel est le plus important. Mais bien sûr, la probabilité que nous avons de trouver absolument tout ce qui a été produit dans le passé est presque impossible. C'est impossible. L'hypothèse Pompéi n'existe presque jamais. Alors, du début des années 80-90, on sait que la probabilité de trouver... Il y a un problème ici. La probabilité de trouver, repérer des objets dépend de que l'archéologue trouve des choses. Alors ça dépendra de l'extension de leur excavation, de la méthodologie de fouilles que l'archéologue peut identifier cet objet. Aujourd'hui, on arrive à identifier des objets qu'il y a 10 ans, c'est un caillou. Aujourd'hui, c'est attention, ce caillou est travaillé, il faut le repérer. Aujourd'hui, on commence à repérer à partir d'un petit morceau d'objet, on peut reconstruire l'objet complet. Et finalement, la probabilité que le matériel a été préservé par des questions post-dépositationnelles. À partir d'ici, Philippe Ferrier a suggéré une équation générale qui est la probabilité de détecter un objet. Comme vous voyez, la probabilité dépend de l'extension de l'unité d'échantillonnage, de la densité des objets, c'est-à-dire du volume d'objets, des refuges qui a généré l'action, et la probabilité de l'observation. L'expérience de l'archéologue, les connaissances préalables de l'archéologue pour faire l'identification. Et on peut utiliser les deux formules. Alors, la probabilité qu'une action a eu lieu dans cet endroit précis, ça dépend, bien sûr, de la probabilité qu'on la trouve mais aussi du volume d'existence de cet objet. À partir d'ici, le résultat de l'accumulation des objets est que la distribution des matériaux en rapport avec une activité peut être en général de trois façons. Aléatoire, uniforme ou concentré. Bien sûr, ce qui nous intéresse le plus, ce sont les structures concentrées. Théoriquement, il y a un comportement, une conduite humaine ou naturelle en rapport avec les trois systèmes ou les trois façons de distribution spatiale. L'action intentionnelle, théoriquement, produit des patrons concentrés. Et bien sûr, il y a des actions uniformes. Par exemple, un pavement, c'est une action intentionnelle. Je veux que toute cette R ait exactement les mêmes caractéristiques. Et bien sûr, il y a des patrons aléatoires. Je produis un consentement par les humains. Par exemple, une destruction militaire. Il faut effacer absolument tout. On concentre sur les patrons d'agrégation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que l'action humaine ne peut pas être produite n'importe où, mais qu'il est toujours produit dans un endroit spécifique, par des caractéristiques de l'action, de la quantité des gens nécessaires pour faire cette action, et bien sûr, de l'espace physique, qui est le résultat d'autres actions humaines ou naturelles qui ont eu lieu avant de l'action que nous étudions. C'est pour cela que l'hypothèse nulle de la distribution archéologique est toujours un patron concentré des choses. L'importance de cet endroit vide. Un patron peut sembler avoir l'air d'être concentré seulement parce qu'il y a beaucoup d'espace vide qui entoure des places où il y a une petite présence. Vous pouvez imaginer que où il y a une présence, il y a toujours la même quantité, c'est-à-dire absolument aléatoire la quantité. Et les places où il y a cette quantité sont séparées par un espace vide. Ça peut être. Alors, vous avez dans une ville, toutes les unités résidentielles sont nettoyées systématiquement, étaient nettoyées au passé. Et pour cela, vous trouvez toujours les chambres résidentielles qui sont vides. Et toutes les ordures, ou tous les restes de travail sont dans les aires d'extérieur. Vous trouvez des concentrations de matériaux séparées par l'espace vide. Mais l'espace vide, il faut assurer que c'est un espace vide. Qu'est-ce que ça veut dire? La chose la plus ennuyeuse de l'archéologie. Fouiller un espace vide. Alors, imaginez-vous, vous êtes dans un extraordinaire site archéologique avec des choses, des trouvailles en or, tout ce que vous voulez imaginer. Et vous sélectionnez vos étudiants. Attention, vous fouillez ici. Pourquoi? Il faut que j'ai la sûreté que dans cet endroit, il n'y avait rien. Les copains commencent à dire « Oh, j'ai trouvé l'or démoniaque, incroyable, incroyable. » Et l'autre, et lui, non, je l'ai trouvé. Il faut convaincre l'administration qui va payer la recherche que pendant une session de fouilles, je vais fouiller où je sais qu'il n'y a rien. C'est-à-dire l'extérieur. Pourquoi? C'est un endroit pour avoir la sûreté qu'il n'y avait rien. Un endroit vide est un endroit où il n'y a pas d'information, où on n'a pas été chercher l'information. Et en plus, il faut connaître très très bien le problème de la préservation différenciée des matériels. Il n'y a rien, parce que dans les conditions de cette sédimentation, est impossible la préservation de ces matériels, des tombes vides. J'ai fouillé il y a beaucoup d'années des tombes de Hachemos au sud d'Espagne et au Portugal, et des cistes vides. Et vraiment, on avait besoin de 5 personnes pour lever la couverture. Donc, on commençait à fouiller, rien. Conclusion de quelques archéologues, le cannibalisme. Alors, les anciens hiverniens de l'âge du bronze dévoraient ces mots. Et ils faisaient tout simplement un cénotaphe, c'est-à-dire un rituel de substitution. Mais la viande était bien mangée. Ou, on fait des analyses du sédiment, bien sûr, c'est un sédiment très très acide et destruction absolue de tout le matériel organique. Mais, à l'analyse des composants de phosphate, arrive à détecter que dans ces cistes, il y a eu matière organique. Vous voyez, les problèmes de l'espace vide en archéologie est vraiment très très important. La plupart des lieux avec zéro, on appelle distribution zéro inférieure, sont des endroits où les archéologues ne savent pas s'il y avait rien ou rien. Il faut toujours, dans n'importe quelle analyse, que vous avez quelques échantillons d'endroits vides pour généraliser s'il y avait des endroits où il n'y avait rien. Alors, ces conditions en archéologie qu'on voit, qu'une distribution spatiale en archéologie, en théorie, est un patron concentré, est complètement contradictoire avec les parties, les points de partie en écologie et en beaucoup de sciences géographiques, où l'espace est régulier et homogène. C'est la condition de l'aléatorité spatiale pour la distribution des poissons. Par la distribution des poissons, la probabilité de trouver une chose n'importe où est la même pour absolument toutes les aires ou localisations possibles. Ça vient surtout de la possibilité d'observation en écologie. Pourquoi ? Si j'ai observé un animal ici, bien sûr, c'est impossible qu'au même moment, il y a un autre animal ici. Alors, si j'ai vu ici quelque chose, c'est impossible de voir un deuxième animal au même endroit. Ça sera à côté. Si l'acte d'observation continue, et ça répète beaucoup de fois, tous les endroits possibles ont la chance d'avoir une observation. Mais en archéologie, si je trouve un morceau de poterie, sûr que dans le même endroit, je trouverai deux autres. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une accumulation. Ou quelque chose s'est cassé, j'ai trouvé plus d'objets que dans où il n'y avait rien. La condition initiale en archéologie est l'opposé de la condition initiale en écologie. Ça aide beaucoup. Et c'est très important pour les méthodes de géostatistique qu'on applique. Parce que la plupart des méthodes géostatistiques qu'on peut utiliser ont été créées en écologie à partir de l'hypothèse nulle classique en écologie, c'est-à-dire de l'aléatorité de l'espace. Nous avons étudié beaucoup et on trouvait un modèle probabilistique alternatif à Poisson qui s'appelle le modèle bivariat normal. Alors, vous connaissez la courbe Gauss-Laplace. C'est tout simplement la réalisation tridimensionnelle de la courbe Gauss. Voilà l'équation, si vous avez soin d'elle. Ça, c'est un rapport avec ce qu'on appelle la première loi de la géographie, la loi de Tobler, qui dit, les plus près que sont les choses, les plus en rapport sont. Alors, si je suis sur un modèle bivariat normal, les plus au centre, les plus proches du centre, plus similaires sont la quantité que j'espère trouver. Les plus loin du centre, il y aura moins de quantité. À partir d'ici, commence la géostatistique. La géostatistique est un ensemble de techniques, de statistiques qui sont spécifiquement développées pour l'analyse de la variabilité spatiale. Premier point, s'implique la décomposition de l'espace, c'est-à-dire que cette analyse doit être faite pour chaque variable spatiale. Le plus précise la caractérisation de la variable, le mieux. Si vous utilisez la catégorie poterie, il y a trop de choses. Si vous utilisez des catégories stylistiques, poterie, décoration, cannelée, je ne sais pas quoi, vous avez le risque que la catégorie que vous avez donnée comme archéologue n'était pas la catégorie qu'ont donné les gens du passé. Alors la première chose pour faire tout cela implique contrôle du temps. Toutes les données que nous on va analyser sont théoriquement contemporaines. La contemporanéité en archéologie toujours est plus que la vie d'une personne. La précision de notre système de mesure de temps arrive 60 ans maximum, même dans les cas les plus extraordinaires. Alors, on travaille avec des paquets chronologiquement contemporains et toujours avec des variables les plus circonscrites possibles. Il y a des catégories fonctionnelles qui sont nos catégories stylistiques. Attention, parce qu'une catégorie fonctionnelle peut avoir un sens symbolique. Distribution des objets qui ont une finalité symbolique bien prestige, par exemple, bien culturel, fonctionnel, ne veut pas indiquer ici un sens strictement économique. Alors, première chose, nous voulons voir la accumulation. Ça, c'est l'équivalent des histogrammes sur l'analyse statistique unidimensionnelle. Ce sont les histogrammes en trois dimensions. Malheureusement, pas beaucoup de logiciels de statistique ont cette possibilité. Aujourd'hui, c'est plus normal. Ça a été fait avec une version ancienne de SPSS. Mais aujourd'hui, on peut trouver beaucoup de logiciels d'analyse graphique qui peuvent créer ce système. Normalement, ça implique une analyse de barres, pas un histogramme. Et en plus, il faut définir les carrés d'échantillonnage qui soient exactement en mesure des carrés d'échantillonnage que vous avez. Souvenez-vous que ça, c'est tout simplement la représentation du système de données qu'on a repéré avant. On fait ça ici et tout simplement faire la représentation en 3D. Quelles sont les données que vous avez? Tout simplement, vous avez une base de données avec trois colonnes. Quelles sont les coordonnées du centroïde de chaque unité d'échantillonnage et la quantité? Vous avez une colonne pour chaque catégorie archéologique que vous voulez représenter. Si vous avez des coordonnées ponctuelles, des objets, tout simplement vous connaissez alors, dans ces points, on a trouvé un liquide de cette catégorie. Toujours avec la même idée, pour les objets de la même catégorie, il y a une technique de visualisation qui s'appelle le kernel en deux dimensions. Le kernel en deux dimensions, on peut remonter par exemple dans n'importe quel logiciel de GIS, mais aussi beaucoup de logiciels de statistique peuvent faire cette analyse. Et tout simplement d'utiliser une troisième dimension qui soit résultat de la densité, de la distance des points. Ici, vous pouvez repérer des concentrations. On peut faire une visualisation en deux dimensions, du kernel, ou en trois dimensions. Alors, c'est très facile de voir des processus spatiaux aléatoires, concentrés ou uniformes, qu'on se visualise avec un histogramme 3D. Ici, vous avez la représentation trop de lumière. On ne voit pas les différentes concentrations qu'on peut voir avec une analyse de kernel en deux dimensions. Vous avez des sortes de données. Les données qui sont quantifiées par unité d'échantillonnage, les données dans lesquelles vous avez les coordonnées ponctuelles de tous les travaux. Une autre possibilité, alors, de lumière. On ne voit rien. Mais c'est ce qu'on appelle l'arc de distance minimale. Alors, on peut trouver un link pour répertorier, pour représenter quel est le voisin le plus proche de n'importe quel point. Et nous pouvons obtenir ici un réseau. Un réseau. Alors, De quoi s'agit-il maintenant du travail? On part de l'échantillon, c'est-à-dire des coordonnées des objets archéologiques, et on veut estimer les paramètres de l'activité qui a généré, qui a produit cette distribution. Ça, c'est ce que s'appelle la prédiction spatiale dans les intrasacres. On peut faire la même chose sur les macrosacres, c'est-à-dire à n'importe quelle échelle d'observation. Nous avons un test statistique, un souvenir de chi-square, de chi-carré, ou de n'importe quel test de statistique, pour savoir si une distribution donnée suit un modèle théorique d'un vivrier normal. Ça s'appelle le test de Mardian pour la kurtosis d'un système tridimensionnel. Si cette accumulation n'est pas très très accentuée, alors ne passera pas le test de Mardian. Si les données ne sont pas vraiment concentrées, c'est impossible de dire à partir de la distribution des objets, estimer la position de l'axe. Seulement quand les données suivent cette distribution, on peut faire cette analyse. Une autre possibilité, c'est l'analyse de Ripley. C'est une analyse qu'on dit si les structures spatiales de la distribution suit un patron concentré ou non. À partir d'ici, si vraiment nos données sont concentrées, on peut prouver qu'elles sont concentrées, on peut utiliser les mesures de centralité de l'espace pour arriver à faire l'estimation des paramètres de l'activité. Vous voyez, il y a plusieurs fois, plusieurs mécanismes. Nous pouvons trouver les centres de l'action, parce que c'est un nuage de points. Alors, quel est le point central? On peut utiliser avec les points. Ça consiste à calculer la moyenne arithmétique de la H X et de la Y. On peut utiliser ce qu'on appelle une weighted mean, c'est-à-dire une moyenne pondérée par la quantité des objets qu'on a trouvés. Si la distribution est par unité d'échantillon, alors on pourrait calculer cette somme. Et la mesure de dispersion, comme la dispersion spatiale, pour voir que vraiment les choses sont très très concentrées, quelle est la distribution générale, jusqu'où arrive cette distribution. Ou ce qu'on appelle les centres de distance minimale. Quelquefois, le point central de l'activité n'est pas le point central symétrique. Si la distribution non est symétrique, alors on cherchera les points où le patron de la interdistance est le mineur possible. Et en plus, on peut calculer les centres de la distance de la distribution. Comme vous voyez, alors, on peut caractériser très bien une distribution. Condition fondamentale, que la variable soit suffisamment indépendante, individualisée. Si vous disiez alors la distribution de toute la poterie, ça dépend. Probablement, il y a beaucoup d'activités différentes qui ont produit différentes distributions. Vous pouvez avoir un palimpseste. En général, un palimpseste est distribué de façon uniforme sur tout le site. En mesure que vous pouvez individualiser une catégorie archéologique, et cette catégorie archéologique coïncide avec la catégorisation des légendes du passé, vous pouvez trouver l'aire spatiale d'influence de l'activité. Alors, quelques logiciels que vous pouvez utiliser, parce qu'ils sont gratuits, Crime. Alors, c'est un logiciel curieux. Aujourd'hui, c'est la version Crime 4, maintenant. C'est un logiciel développé pour analyse criminalistique. L'Emmanuel est vraiment extraordinaire et très très clair. Malheureusement, les exemples sont assez violents. On peut utiliser n'importe quelle chose en archéologie. NAPA, sortie graphique, ça c'est la sortie de crime. Mais on peut exporter la sortie pour GIS par exemple, ou n'importe quel logiciel de GIS. En plus, vous avez un logiciel qui est des statistiques, PAST, gratuit, qui a aussi beaucoup de possibilités d'analyse spatiale. C'est gratuit, par les noms, j'ai indiqué que vraiment est préparé pour nous. C'est un logiciel de paléontologie, mais très très utilisé par la communauté quantitative en archéologie. A été fait par un chercheur norvégien. C'est intéressant pour la grande différence entre le logiciel anglo-saxon et le logiciel européen, c'est le problème du point ou la virgule décimale. Attention, si vous avez milliers de données avec votre système français avec virgule décimale, et pour le chercher sur CRAN, il faut changer absolument tout. Vous pouvez utiliser les pires logiciels qui existent sur l'univers, qui s'appelle Excel. Je dis les pires parce que toujours, toujours modifier les décimales. Toujours. Si vous avez une base de données avec des décimales et vous utilisez Excel, changez complètement tout. Alors ça, c'est un petit problème. L'avantage de PAST qui utilise tous les deux systèmes. Les points ou la virgule pour les décimales. Alors, différentes possibilités, différentes choses qu'on peut calculer. Une chose très importante, une chose statistique, c'est le problème de limite. Alors, si vous voyez cette distribution, initialement, il paraît qu'il est concentré. Il est concentré si les points de référence sont les espaces vides à la fin. Mais si on prend tout simplement les centres de la distribution, c'est uniforme. Alors, si vous fouillez l'intérieur d'une cabane, théoriquement, la distribution serait uniforme, jusqu'aux limites des parois de la cabane. Mais si vous faites une fouille à échelle de tous les sites, ce qui paraît uniforme à l'intérieur de la cabane est concentré. Alors, c'est très très important le problème du limite. Les années 60-70, quand on commençait ces tests de l'aléatoriété, on était très critiqués par l'effet edge ou border effect, l'effet des limites. Aujourd'hui, vous pouvez définir. Il y a deux possibilités, ce qu'on appelle les convex rules. Les convex rules, c'est un polygone qui est délimité par les limites maximales. Ou en plus, c'est la possibilité d'utiliser le quadrangle minimal. Et toujours, c'est le perpendiculaire aux limites. Attention, parce que aucune des deux sont vraiment coïncides avec ce que vous cherchez. La possibilité, c'est de placer ici l'information vectorielle des limites archéologiques. Si vous avez des troupes poteaux, si vous avez des unités, des murs, par exemple, vous pouvez représenter, utiliser les axes généraux, qu'on construit en polyligne. Et à partir de ça, tout simplement avec les points, il faut introduire les limites et étudier toujours la distribution dans des limites empiriquement suggestives. Alors, toutes ces techniques arrivent à trouver, par exemple, vous trouvez ici, probabilité que la distribution soit aléatoire. Et ça, c'est une discussion absolument aléatoire. C'est très important aussi l'influence de la quantité des observations. Si vous faites une analyse seulement avec 10, 20 objets, probablement la distribution toujours apparaîtra aléatoire. À partir du moment que vous avez beaucoup d'observations, il y aura une tendance à apparaître uniforme. Alors, la quantité des observations est une autre chose très très importante. Et la quantité, ça dépend de beaucoup de choses. Si vous savez considérer l'état de fragmentation, sont des morceaux ou des objets entiers. Si vous savez considérer la identification, alors qui a identifié qui et où? Ce sont des étudiants, transformation, c'est l'archéologue, le directeur de fouilles. Alors attention parce que beaucoup la planification de l'investigation, après, peut influer sur les résultats, la lecture des résultats. Grand problème, problème de la fragmentation, les problèmes de la catégorisation, le problème de l'échantillonnage incomplet et le problème de la dépositation. On a parlé un peu de calcul des objets. Attention, parce que si je dis quatre objets, qui sont quatre objets ou morceaux d'objets. Ça, c'est très important, il faut le décider en avance. En général, en analyse où l'unité d'observation est morceau, fragment, peut être interprété en clé taphonomique. Pourquoi les objets sont fragmentés? On analyse en clé d'objets complets. Alors, j'ai un morceau, mais ce morceau est le représentant de l'objet complet qui était sur cette place. Normalement, on est chez l'observation plus ample. Alors, faire référence à des processus sociaux ou d'activité sociale. On va centrer sur deux aspects. D'abord, l'échantillonnage incomplet. Il y a toujours les choses les plus importantes, les plus intéressantes, ne sont pas fouillées. Pourquoi? Alors, vous connaissez cette loi en archéologie, que la chose la plus importante apparaît toujours le dernier jour de fouille. Toujours. Alors, ça, c'est une loi mathématique sans exception. Bon, alors, jamais, je n'ai jamais fouillé la partie la plus intéressante de la fouille. L'année prochaine, toujours l'année prochaine, ça dépendra des sous que j'aurai pour faire la fouille. En plus, nos amis, le clandestin, comme ça s'appelle ici, les clandestins, bien sûr. Alors, vous savez, au milieu de la cabane, un trou. Si vous cherchez un analyse, c'est incroyable. Cherchez le trésor, n'importe où. Ou bien qu'on n'a pas fouillé, parce qu'on a fait, je n'ai pas beaucoup de sous, alors j'ai fait une fouille ici, ici, ici. Et c'est la seule chose que j'ai pu faire. Alors, des questions de planification de travail, de la quantité de gens qui travaillent. Bien sûr, il y a toujours l'archéologue nul qui est avec nous et qui était absolument ivrogne quand il fouillait. Alors, tout ce secteur qui a été fouillé par monsieur et madame X, il faut oublier. Parce que on ne sait rien de ce qui s'est passé. Toujours vous avez cette question. Si vous dites le monsieur ou la madame nul, ça veut dire alors, moi j'ai fait ces fouilles, mais il y a 30 ans, il y a quelqu'un qui a fait une fouille. Comment est-ce que j'ai pu intégrer les fouilles avec les miennes. Alors, tout cela, résultat, c'est qu'il y a des hommes qui auraient voulu fouiller et qu'il n'y a rien. Si, et seulement si, les données suivent un modèle, une distribution probabilistique, soit uniforme, poisson, régulier ou concentré, on peut utiliser des mécanismes d'interpolation. C'est-à-dire, la quantité que je ne connais pas ici peut être reconstruite à partir des quantités que je connais des endroits autour. Il y a plusieurs algorithmes, plusieurs façons de le faire, mathématiquement est possible. Voilà un exemple, c'est une fouille qu'on fait dans l'archéologie historique, en Patagonie. C'était un lieu fort de soldats argentins sur la frontière des indigènes. Alors, si vous vous souvenez de John Wayne et le général Castel, c'est plus ou moins la même réalité. C'était le fort, le fort grand. Alors, la palissade, au milieu, presque rien, il y avait quelques petites structures. Alors, qu'est-ce qu'on trouve ici? De couleur bleue, ce sont les résultats des fouilles. C'est l'espace vide. On a fouillé, il n'y a rien. Des petits morceaux. Mais voilà, ici, on trouve une concentration. Bien sûr, la loi archéologique, la partie où il y a beaucoup de données, n'a pas été fouillée. Mais alors, je vais reconstruire ce qu'il y a ici, à partir de ce que j'ai fouillé. Et je peux utiliser ce truc pour planifier les fouilles de l'année prochaine. Alors, je chercherai par ici pour les données dans cet endroit. Dans cet endroit, vite, encore plus vite. Bien sûr, je vais faire un échantillon ici pour voir que vraiment ça se vide. Pour qu'une interpolation soit effective, il faut introduire valeur positive, quantité, mais aussi séros. Alors, si je ne vais pas fouiller ici, je ne vais pas généraliser l'espace vide. Et ça m'intéresse beaucoup, généraliser les possibilités d'espace vide. Ça veut dire qu'il faut que je sache qu'ici, il n'y avait rien. Ici, non plus. Alors, il faut fouiller l'espace vide. Non sur la totalité de l'espace vide, mais avoir quelques petits endroits, quelques colonnes d'échantillonnage, pour savoir, dans cet espace, il n'y avait rien. Dans cet autre espace, il y avait quelque chose. Et utiliser tous ces systèmes pour l'interpolation. Alors, l'échantillonnage incomplet a une solution. Les grands problèmes. Oui, mais que nous ne fouillons pas des sites extraordinaires en pays. La plupart des sites archéologiques ont été abandonnés. Et le processus d'abandonnement était lent, avec beaucoup d'influence des processus sociaux, des processus naturels, des modifications du site. La distribution spatiale qu'on a mesurée sur le site, avec toutes les techniques, sur les performances qu'on a vues, peut ne pas être en rapport avec l'activité sociale, mais avec tous les processus naturels qui ont eu lieu après, c'est-à-dire la post-dépositationnalité de question. C'est le grand problème. Le registre archéologique est toujours altéré, surtout quand on travaille avec la quantité de données, et la quantité dépend de l'habilité des archéologues pour faire la quantification et la préservation différentielle. Est-ce qu'on peut analyser l'influence des mécanismes post-dépositationnels? Oui, si, et seulement si, vous avez identifié préalablement quels sont les facteurs. Alors, il s'agit de modéliser l'influence du système. Par exemple, l'exemple le plus caractéristique est la surface. La surface du sol. Si je laisse une chose, il y a un pendon ici, la chose roulera jusqu'à la fin. Alors, si vous faites une fouille, alors ça c'est sûr que la plupart des objets seront trouvés en bas d'un pendon. Et au milieu, il n'y aura rien. Même si l'action a été performée sur le pendon. Alors, comment étudier l'effet de l'inclination de la surface du sol? Il faut trouver la corrélation spatiale entre l'inclination de la surface du sol et la distribution des objets. Ici, vous voyez, il y a un trou. Un trou qui a été mesuré, parce que c'était la surface du sol originale. Et les objets? Les objets sont placés sur le trou. Alors, il faut connaître ce trou est résultat de l'accumulation post-dépositationnelle ou c'était la caractéristique initiale de la surface du sol. Géostatistiquement, ça implique analyser l'anisotropie d'une distribution. Une anisotropie, ça veut dire la orientation générale de la différence de valeur. Alors, si vous avez beaucoup de choses dans un endroit et très peu de choses dans un autre endroit, il y a une directionnalité à la différence de la quantité de l'abondance. Ce qu'on va chercher, c'est si l'anisotropie de la distribution archéologique coïncide statistiquement ou non avec l'anisotropie de la surface du sol. Il y a des outils logiciels très performants qui permettent de travailler un système qui s'appelle variogramme. C'est une modélisation de l'incrément de variation en rapport avec la distance. Théoriquement, à fur et à mesure que la distance augmente, la variation doit augmenter jusqu'à arriver à l'uniformité. S'il y a beaucoup de choses ici, à fur et à mesure que je m'éloigne du point central, il y a moins de choses. Au moins que je m'éloigne, la variation augmente à mesure qu'augmente la distance. Jusqu'à ce que j'arrive à l'espace vide, je peux m'éloigner beaucoup, mais la valeur ne change pas. Alors ça, c'est une représentation qui s'appelle variogramme. Ça, c'est un variogramme. Le variogramme peut être mesuré sur n'importe quel gradient. Et si vous avez une représentation tridimensionnelle de variogramme, je peux chercher, alors, quel est l'axe de variation au sud, nord, ouest, et faire la même chose pour la valeur de la hauteur du terrain. Alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre la anisotropie de la surface du sol et la anisotropie de la distribution archéologique? Qui dit la question de la surface du sol dit n'importe quel autre problème post-dépossessionnel. S'il y a les trous de lapin, par exemple, nos amis de lapin, pour les archéologues, on détruit tout. Est-ce qu'il y a une distribution de matière archéologique qui soit en rapport avec la localisation de lapin? Les problèmes en vert, par exemple, d'accumulation hydraulique. Nous travaillons sur un site, sur un lac. Nous avons deux processus différents. Les sols s'enfoncent par question karstique, ou bien les lacs augmentent le niveau et arrivent à inonder le site. Nous avons alors des mouvements différents. Un mouvement vertical vers l'inférieur et un mouvement qui est horizontal dans un axe très très connu. Alors, si je peux représenter la cinématique du procédé du mécanisme taphonomique, je pourrais comprendre si la distribution archéologique suit ou ne suit pas ces problèmes. En plus, il y a beaucoup de techniques pour mesurer l'orientation, la linéarité. Alors, maintenant, par exemple, on travaille sur un site de lac, comme les poteaux ont été tombés. Et nous avons trouvé les poteaux de bois, parce que la préservation a été inondée. Et on peut trouver. Est-ce qu'on peut essayer de trouver la linéarité non seulement des trous de poteaux, mais aussi des poteaux? Ils sont toujours dans la même ligne. Si je trouve des poteries ici, des poteries ici, des poteries là, sont en ligne ou non? Alors ça, il y a la possibilité de faire des statistiques circulaires pour trouver quelle est la dominante, l'orientation dominante dans toute la distribution. Je répète, tout cela, on peut le faire pour les deux choses. Pour les points, c'est-à-dire les objets coordonnés individuellement, mais aussi pour les unités d'échantillonnage. Dans le premier cas, on n'a pas de zéro. Ça, c'est un petit problème. Pourquoi? Parce que si vous avez seulement les coordonnées de présence, vous n'avez aucune coordonnée d'absence. Le système considère que s'il n'y a pas, est-ce qu'il n'y avait pas? Tandis que quand le système, vous avez des unités d'échantillonnage, vous avez introduit le zéro. Dans cette unité d'échantillonnage, vous n'avez rien. Zéro. Vous voyez la grande différence. Alors, il n'y a pas un système mieux que l'autre. Ce sont des façons différentes de travailler avec des types différents de coordonnées spatiales. Il y a un autre système qui s'appelle le calcul du gradient, c'est-à-dire la variation des données où arrive. C'est un exemple qu'on a fait travailler en une cabane à Terre de Feu, Sud-Amérique. On voit, ce n'est pas une distribution des aires vides et non vides, sinon des endroits où il y a un changement très brusque, ou non brusque, des quantités, pour trouver la distribution. Et ce sont les endroits vides. On voit qu'entre les endroits vides, les endroits avec beaucoup d'informations, il y a un changement très très rapide. Ce sont les limites possibles de la cata. Et vous voyez ici probablement les limites d'une cabane avec probablement autre quantité d'une autre cabane. À partir de la distribution, c'est un trou de poteau. On peut comprendre qu'il y avait probablement des unités résidentielles. Alors, différentes études. Vous voyez, ce sont des restes sur des oiseaux. C'est un site de chasseurs-cueilleurs. Il faut voir que dans la première période, l'accumulation des restes sur s'est produit en un endroit. Dans la deuxième période, c'est produit dans un endroit plat. Pourquoi? C'est l'utilisation des ordures comme matière de construction. Alors ça, c'est théoriquement un coquillier, un amas de coquilles. les restes osseux sont mélangés avec le reste des coquillages. Qu'est-ce que faisaient les gens? Ils ont la maison ici. Alors aujourd'hui, ils sont sortis d'aujourd'hui. Ici. Le site est abandonné. Ils reviennent 15 jours, 3 mois après, une saison après. Alors aujourd'hui, ce sont des ordures. Où va placer les ordures? Si j'ai l'intention de revenir sur place, je poserai à côté. Parce que l'accumulation est à côté, à côté, à côté, à côté. J'aurai une petite barrière. Et c'est une chose qui caractérise le terre de feu, c'est les vents. L'accumulation de ces matériaux est toujours dans l'opposé du vent pour essayer de créer une barrière. Cet mécanisme, on l'a comprouvé sur les récits ethnographiques, mais aussi on l'a vu sur les sites archéologiques. Ici, la lumière on ne voit pas, mais ici c'est l'air vide et l'air de la concentration. Mais vous voyez, à côté de la concentration, il y a un autre endroit vide. Alors ces gens-là ne vivaient pas où ils accumulaient. Sinon, la limite de l'unité résidentielle et de production était toujours la limite des ordures. On utilisait l'accumulation des coquillages, tout le reste de consommation, pour fixer les structures des branches et des bois pour faire la cabane. Bon, plusieurs exemples. Ici, vous avez l'exemple qu'on avait parlé dans Tilford. Dans une fortification, on voit aisément la zone centrale de manœuvre et la zone de concentration, ou probablement aussi, si on analyse différentes catégories archéologiques, on verra que cette place est nettoyée systématiquement, bien sûr. Les chevaux doivent manœuvrer ici. Et si on trouve des restes de pierres, des restes de sortures et des restes de construction. Aussi, ce qu'on travaille maintenant sur le site de la Traga, c'est le néolithique ancien en Catalogne, cardial, l'utilisation du kernel density pour voir les possibles concentrations des différentes catégories de matériel. Bon, il y aurait beaucoup d'exemples, on pourrait dire. Jusqu'ici, on a essayé de décrire où s'est passé les choses. Et pourquoi sont passées dans cet endroit. Je me souviens que cette analyse de où sont les choses, on les fait variable après variable. Et que les variables doivent être les plus restrictives possibles. Toujours des catégories très très fonctionnelles, pas des grandes catégories interprétatives. Mais bien sûr, le problème c'est qu'alors, nous avons beaucoup de solutions. Nous savons où ont été placées différentes activités. Comment est-ce que je peux faire une corrélation de toutes les activités? Modèle théorique. Pourquoi quelque chose est placé? Parce que quelqu'un a fait une chose à côté. Pourquoi vous êtes où vous êtes? Parce que moi, je suis ici. Il y a toujours une activité qui influence une autre activité. Le rapport n'est pas linéaire, bien sûr. Mais vous souvenez pourquoi la position de ces bois brûlés? Parce qu'il y a eu un procédé, une activité. Je peux dire où a été fait le feu à partir de la concentration des charbons de bois. Mais voilà, la question est pourquoi il y a eu un feu ici? Parce que monsieur était essayé ici. Troisième question, et pourquoi ce monsieur était ici? Parce qu'il a chassé ici, parce qu'il habitait ici. Pourquoi il habitait ici? Parce que l'eau était là. Il y a toujours quelques activités qui nous expliquent la position d'une activité. Alors, chercher la cause d'une location et toujours chercher les relations avec la position des activités. C'est une question de corrélation spatiale. Comment est-ce qu'on peut faire la corrélation spatiale? Alors, à nouveau, la base de données. La base de données, nous avons ou bien des coordonnées, ou bien des unités d'échantillonnage, ordonnées avec le coordonnée cartésienne. Souvenez-vous, ce sont les centroïdes de chaque unité. Alors, nous avons différentes variables. Le reste, c'est le type, le type, le type, le type. La question, c'est, il faut faire une corrélation spatiale de tous les variables. N'importe le numéro de variables. On peut procéder des en variables, si vous voulez. Toujours plus de 3. Sinon, on n'a aucun sens de faire la question. Comme vous voyez, l'organisation des données, c'est toujours des coordonnées et après, les variables. On sélectionne seulement les données quantitatives. On oublie les coordonnées. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une analyse de correspondance. Vous pouvez le connaître parce que François Gingin parlait beaucoup en archéologie française d'analyse des correspondances. Et en plus, c'est une des grandes trouvailles et découvertes ou inventions françaises pour l'analyse statistique. J'ai utilisé un logiciel, le logiciel que je vous parlais avant, PAST, qui peut utiliser. Alors, on a fait l'analyse des correspondances, je n'explique pas, c'est une variation de l'analyse des composants principales. Et on obtient une solution en plusieurs axes de variation. Chacun de ces axes peut être interprété. Vous voyez que la localisation des endroits avec la poterie est complètement différente des endroits où il y avait des restes osseux et complètement différente des restes où il y avait beaucoup de restes lithiques. S'il y a beaucoup de poterie, il n'y a pas beaucoup de lithique. S'il y a beaucoup de restes animaux, il n'y a pas de poterie. Mais c'est où? Le problème, c'est que l'analyse de correspondance n'est pas une analyse géostatistique. Il y a des différences ou il y a des superpositions. Mais ne dit pas où. Alors, le logiciel nous donne les coordonnées de tous les points sur chacun des axes. Ces numéros sont placés à nouveau dans la base de données. Et maintenant, c'est une question de tout simplement graphiquer les coordonnées du premier axe, que c'est la opposition poterie-non-poterie, lieu avec beaucoup de poterie de n'importe quel type, avec place, position sans poterie, ou avec peu de poterie, et on fait une représentation des endroits. Voilà la représentation. On voit en rouge les aires où il y avait beaucoup de poterie. Et en bleu, les endroits où il n'y a pas de poterie. On peut maintenant représenter le deuxième axe. Les endroits sont très très riches avec des restes osseux. Et voir les différences. De cette façon, on commence à comprendre les corrélations spatiales. À partir du moment que vous connaissez préalablement quel rapport il y a entre l'activité qui a produit l'accumulation de restes animaux et les activités qui ont produit l'accumulation de poterie, on arrivera à faire des interprétations. En archéologie, la plupart des cas, ce sera l'accumulation des ordures. Voilà l'analyse spatiale. On commence maintenant en analyse de temporelle. Par exemple, je vous présente le résultat d'une thèse doctorale que j'ai coordonnée et qui a été présentée l'année dernière. Alors, l'idée, c'est d'étudier qu'est-ce que ça veut dire un phénomène expansif. Parce que le rapport entre l'espace et le temps, c'est le mouvement à travers le temps. Alors, en mathématiques, ce sont les systèmes dynamiques expansifs qui sont... En physique, ce sont la croissance, ce sont des systèmes qui ont une croissance. Et en géographie, c'est l'existence d'un gradient, d'une différence qu'on peut avoir. Alors, problème historique, chasse d'ours. La plupart d'entre vous, vous connaissez que ce sont les chasses d'ours, non? C'est une culture avec... Qu'est-ce que ça veut dire, une culture? beaucoup de théories, mais il y a seulement un résultat archéologique très caractéristique. Alors ce sont deux urnes d'incinération avec une décoration, des types des épées aussi assez caractéristiques. Il y a plusieurs hypothèses. Alors la première hypothèse, c'est une substitution des populations. Il y a aussi l'idée de l'adoption d'une idée qui venait de la transmission culturelle, ou directement c'est l'influence des voisins. S'il y a quelqu'un qui l'utilisait, alors moi je l'utilisais parce que mieux adapté à ce que j'ai besoin en ce moment-là. Bien sûr, si nous avons des McDonald's ici, ça n'existe pas que les Américains ont venu. Nous avons adopté le système. Alors, pourquoi c'est si important la question des chances d'eau? Parce que, théoriquement, et au début du processus de celtisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la celtisation de l'Europe? Est-ce qu'il y a quelque chose à voir, l'expansion 1300 avant notre ère des chances d'eau avec la celtisation? Est-ce que les Gaulois sont les successeurs de la gens des chances d'eau? Bon, je vous ai présenté la base de données. Nous avons une base de données de 1800 avant notre ère jusqu'à 750 avant notre ère. Je sais qu'il y a un problème. Nous n'avons pas les données radiocarbone de l'âge de fer. Fondamentalement, parce qu'au moment qu'on a commencé à travailler, nous avons très très présente la discontinuité des Hallstatt. Ça veut dire qu'à partir de 750, la courbe de calibration produit un erreur supplémentaire de 2 ans. Alors, toutes les données des années 600, par exemple, 500, ont un erreur supplémentaire. C'est pour cela qu'on ne l'a pas considéré. Jusqu'à 750, la courbe de calibration est assez précise. Bon, initialement, il s'agissait de contraster la séquence culturelle traditionnelle. Alors, vous savez, le sud de la France, l'Italie, le nord-est de la péninsule ibérique. On a commencé, quelques années avant, on a fait la modélisation de radiocarbone de la succession culturelle au nord-est de la Catalogne. On a vu que ça ne marche pas. La distinction traditionnelle bronze finale, bronze moyenne, rien à voir. Il faut refaire complètement la séquence culturelle de nord-est de la Catalogne. Pour la séquence de la Italie septentrionale, pas mal, un système, et vraiment, on a corrigé beaucoup du système traditionnel. Il y avait un décalage de presque 500 ans entre la tradition chronologique des Péronies, par exemple, et tout ce que nous avons pouvoir découvrir à partir des données de radiocarbone. Et attention pour le sud de la France, parce que ça marche très bien. Alors c'était le seul endroit où on a trouvé une assez bonne coïncidence entre le modèle bayésien de radiocarbone et la séquence traditionnelle culturelle. Ça marche. Alors, si vous disiez, alors ça c'est Rossinal 3 et c'est autre, c'est Rossinal 2, ça marche aussi avec les radiocarbones. La distinction culturelle, ça marche. C'était très intéressant. Pourquoi? Parce qu'en période culturelle si importante comme les Mayésiens, nous n'avons presque pas donné radiocarbone. Mais on a pu généraliser la datation des endroits mayésiens non datés à partir de l'intervalle chronologique du bronze final. Alors ici, c'est tout le travail sur la transition de tous les éléments, et maintenant la comparaison à partir de notre système entre le nord de l'Italie et la France méridionale. Il y a une bonne coïncidence, si bien bronze moyenne, vraiment, sont très très différents. Alors, à continuation, une fois que nous avons placé sur le temps Et avec la duration des différentes phases culturelles, il fallait faire des interprétations sur la croissance ou non de la population. Pendant l'âge de bronze, est-ce que a incrémenté la population? Il y a une tradition qui dit qu'il y a eu une expansion, une croissance de la population à partir du bronze final et en introduction de l'âge de fer. Si vous voyez les modèles traditionnels de Christiansen et de Zimmermann, Christiansen est assez théorique, Zimmermann est à partir des données de prospection sur la vallée du Rhin, toujours il parle qu'il y a eu dans les Hohenfels une expansion des populations. Mais qu'est-ce que nous parlent les datations? Je vais vous parler maintenant sur la théorie qu'il y a, si l'accumulation des données de datation peut arriver à une estimation de la population. Dans certains cas, oui, non, comme une généralisation. Qu'est-ce qu'on a besoin? D'abord, beaucoup de données, ça veut dire plus de 300. Dans notre cas, nous avons 1500 datations pour un période de 1000 ans. Cette quantité et cette précision de l'intervalle chronologique nous donnent les chances que presque tout le moment sont datés. Nous avons des données pour toute la période. Il y aurait une possibilité à imaginer que la bronze finale 3 est plus populaire pour que les archéologues font son carrière académique. Alors, moi, je dois publier bronze finale 3. La bronze moyenne. Ni 11, ni rien. Personne ne va fouiller la bronze finale parce que n'est pas attractif, alors c'est difficile d'avoir de l'argent pour faire des fouilles. Ça peut arriver à passer qu'il y a des périodes historiques qui sont moins fouillées par des questions de popularité ou même de préservation. Alors si une population est très très nomade, pas beaucoup sédentaire, n'a laissé beaucoup de traces archéologiques, tandis qu'une autre population plus agricole, plus fixe sur le paysage, a laissé beaucoup plus de données. Si vous avez beaucoup de données et les données sont filtrées, alors il faut séparer les données des nécropoles, les données des endroits résidentiels. Il faut voir les différentes catégories archéologiques. On peut commencer à essayer de dire si ça marche ou non. Alors, voilà les données. On voit que la quantité est assez régulière jusqu'à vraiment l'année 1000, où il y a une toute petite croissance. Deuxième problème. Les dates sont filtrées, alors on ne va pas utiliser les 1500, mais seulement presque 1200. Et on éliminait toutes les données qui n'avaient pas beaucoup d'informations sur le contexte. Le problème, c'est la calibration. Parce que si nous avons un phénomène de plateau, il y a un phénomène de concentration. Alors, il faut voir dans cette petite croissance s'il y a ou il n'y a pas un effet des bruits statistiques produits par la calibration. Alors, on a fait une simulation et nous avons considéré qu'on avait aléatoirement une datation pour chaque année. Si vous avez un contexte daté pour chaque année de 1800 jusqu'à 1850, le résultat doit être un système absolument uniforme, parce qu'il y a une. Alors, on a créé avec ça une liste de datation, 1800, 1799, 1798, etc., jusqu'à 850. Et on a introduit sur le logiciel de calibration cette liste de datations. Voilà le résultat. Alors, si nous attendions que ce soit uniforme, il n'est pas uniforme. Tandis que nous connaissions parfaitement qu'il y avait une seule datation par année, toute déformation de l'hypothèse d'uniformité a un résultat de la courbe de calibration. Et en plus, est en rapport avec les plateaux de Rastatt, la discontinuité de Rastatt. Conclusion. Il n'y a pas de croissance de population, au moins que nous pouvons voir, découvrir avec la séquence de datation. Mais c'est qu'il y a des petits problèmes. Si on utilise seulement les données résidentielles des sites, vous voyez une grande continuité. Mais attention avec les nécropoles. Il y a un trou. Alors, il y a changement social, cognitif, culturel, mais pas un changement de population. On a fait aussi des études par région. On voit la région alpine, une grande continuité sur le temps, qui n'est pas reconsidérée par les archéologues, qui toujours parle d'une diminution de la population à partir du bronze moyen avancé. Mais attention, vous voyez des différentes régions, comme par exemple la plaine padane, la crise du Terramare est très très claire. Il y a un abandonnement de cette région à partir de la datation de 1400. Ça, c'est la fin des Terramare. Cela a la coïncidence avec un phénomène climatologique. Alors, le discours du Pau a changé. Et ça, c'est un produit des problèmes d'abandonnement de cette région. Voilà la région du Massif central. Il y a une continuité générale des populations. Et attention, l'ère méditerranéenne, où il y avait très très peu de population, jusqu'à une expansion, probablement à partir de 1200. Bien sûr, quand on arrive à l'analyse des régions, la quantité de datation est très très réduite et n'est pas si représentative. Bon, on a vu la continuité générale de la population. Cette hypothèse de l'invasion, pas très très claire. Maintenant, on arrive à essayer d'expliquer qu'est-ce qui se passe avec l'incinération. Il y a un changement rituel. Pourquoi? Quand? De quelle façon? On essayait d'étudier les changements des systèmes funéraires comme une innovation symbolique, bien sûr, pas technique, mais comme un changement. Quelqu'un qui a adopté. Il y a plusieurs modèles théoriques de comment s'adopte quelque chose. Vous voyez, quand s'adopte, il y a trois répétitions au début, commence à augmenter la quantité des gens, jusqu'à arrive à une majorité. Bon, parce que tout le monde adopte quelque chose, voyez, si le seul qui l'adopte, alors je dois l'utiliser. Au début, il y avait très très peu de monde qui aimait les rock and roll. À fur et à mesure que plus de monde commence à écouter cette sorte de bruit inharmonique appelé certaine musique, il y a quelqu'un qui ne l'écoute jamais. Alors moi, je dois aussi écouter pour que je ne sois pas le seul qui ne l'écoute pas. Jusqu'à arriver une autre adoption. On trouvera le même mécanisme. Alors, voilà l'inhumation. On voit que les datations qu'on a pour les inhumations commencent à diminuer à partir des 1800. Mais la diminution est plus claire à partir de 1450, à peu près. Et l'inverse pour l'incinération. Alors nous avons ici un phénomène de substitution vraiment très clair. Vous voyez que la décroissance d'une augmente la croissance de l'autre. Il y a un rapport de l'un avec l'autre. Bien sûr, le rapport n'est pas linéaire. À échelle régionale, on peut voir la croissance, l'apparition de l'incinération. C'est un phénomène presque explosif sur le nord-est de la péninsule ibérique. Sud de France, ça arrive, mais est-ce qu'il y a des incinérations très très anciennes au début? Et en plus, d'une façon aussi très très tardive, comme le Catalogne, en expansion finale, voyez-vous la Nord-Italie, il y a eu un phénomène très ancien d'incinération, qui probablement n'est pas en rapport avec tout ce phénomène, et en plus des autres problèmes ponctuels. Ici, nous aurions le système de sacs suisses, par exemple. On voit, bien sûr, aussi une expansion antérieure à l'expansion qu'on voit à le nord-est de la péninsule. pas seulement l'incinération. Et pourquoi les autres éléments qui sont en rapport avec les chances d'eau? Par exemple, la poterie cannelée. Vous voyez la croissance de cette décoration et aussi la variation régionale. En plus, une autre fois, en Catalogne, c'est un phénomène presque explosif. En Italie, c'est très, très régulier, mais en général, en décalage. Et vous avez le phénomène français, un phénomène au nord des Alpes. Aussi, pour les basses avec expansion verticale, voilà les différents rapports. Aussi, c'était une caractéristique très typique de France moyenne. On voit qu'on commence à diminuer. Mais il y a des objets qui n'expriment aucun composant chronologique d'évolution. Alors, les basses carénées, les basses biconiques, on voit que vraiment il y a une distribution uniforme. C'est très intéressant qu'est-ce qui se passe avec les pugnales et les couteaux. Vous voyez que les pugnales sont en descendance à travers tout l'âge de bronze, tandis que les couteaux sont en croissance. Et une chose aussi qui n'est pas ce qu'on croyait, les sites fortifiés. S'il y aura une expansion des sites fortifiés en Estefer, ce qu'on voit, c'est que les sites fortifiés commencent à diminuer en 1300, que c'était vraiment l'époque de l'expansion. Bon, on a essayé de modéliser cette expansion des différents phénomènes pour comprendre si tous les phénomènes sont en rapport ou non. Voilà un système qui est utilisé ici pour voir si la disparition de l'inhumation est en rapport ou non avec la croissance de l'inhumation. Alors, vous avez le deux éléments en rouge. C'est la crémation, en bleu, c'est l'inhumation. On voit vraiment les parallélismes. C'est pas linéaire. C'est pas à fur et à mesure qu'une diminue, l'autre diminue. C'est un phénomène à échelle. Et c'est à partir de, comme vous voyez ici, presque 900, qui est vraiment le changement très rapide. Après, avant, c'est très très lent, avec différentes périodes de changement et modification. Bon, on a vu le temps, maintenant espace et temps. Est-ce que cette adoption a aussi un sens géographique? Alors, c'est tout simplement les gradients spatiaux des différences temporales. Et voilà, vous connaissez l'hypothèse de Distance from the West, que les Gaulois sont des Atlantiques, et que la langue celtique sont des langues atlantiques. Bon, dans notre modèle, on voit que c'est une expansion alpine. Même pas transdanubienne. C'est vrai que dans notre base de données, nous sommes arrivés jusqu'à la région occidentale de l'Hongrie. On n'a pas systématisé toute la région tchécoslovaque. Il faut travailler avec les chercheurs tchécoslovaques, et bien sûr. Les dates, nous pouvons trouver les dates, mais c'est incompréhensible, les monographies. Si c'est en allemand, on le comprend, mais le chèque, ça, c'est un peu plus difficile. De ce qu'on voit, on voit justement un point central d'expansion sur la région alpine. Et chronologiquement, ça est très intéressant parce que c'est le moment où la théorie archéologique alpine registre l'abandonnement des stratus de paysage supérieur, par des questions climatiques. Les gens commencent à abandonner les niveaux supérieurs des montagnes et commencent à descendre vers la plaine. Cet phénomène, ce serait caractéristique 1400 environ, c'est même qui débute tout ce phénomène. Et on voit qu'il y a une composant vers le sud, l'origine du proto-vilanovien. Il y a, on voit très très bien, la route du Rhin, pour arriver à l'expansion vers Belgique, Irlande. Alors, ce n'est pas très, très bien placé, c'est ces nouveaux 12. Ça, c'est la Belgique, j'en ai les données de Belgique. Mais Massif central, il n'y a pas beaucoup de données. Et en plus, nous avons des problèmes pour le sud de la France. Cela, c'est avec les données de la radiocarbone. On a augmenté la base de données et on utilise aussi le site que nous avons daté par la chronologie du matériel. Alors, matériel archéologique par typologie et associé en contexte radiocarbone, on a donné la chronologie radiocarbone de ce contexte. Et on voit, c'est plus riche aussi le système, mais c'est encore plus clair que la route septentrionale, la route méridionale, et une certaine possibilité, ici avec la couleur noire, on voit très très bien, mais les données du nord-est qui seront antérieures à certaines données du sud de la France. Il y a une possibilité, on dit tout simplement avec les données, que certains composants de champions arrivent sur le péninsule ibérique pour la vie maritime et qui après commencent à répandir. Et trouvera aussi l'arrivée du sud. L'Aquitanie, les Pays Basques sont les éléments les plus tardifs de cette expansion. Jean, excuse-moi, mais là c'est. Oui, c'est le sort. L'heure. Alors, vous voyez, ce système expansif, on comprend aisément ici, jusque où la confiance et la fiabilité de ce système, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse qui peut être testée avec les données que nous avons. Et à faire bien sûr qu'on a plus de données, on pourra essayer de faire d'autres choses. On a fait les mêmes essais d'analyse pour le Proche-Orient, pour la différence qu'il y a entre deux phases du PPNB. À partir, c'est une crise climatique, jusqu'après le triage récent, il y a un effet climatique en chronologie environ de 9700. Et aussi, on a trouvé, vous voyez ici la première et la deuxième composante, il y a une différence très très claire qui n'est pas si claire dans la séquence stylistique. On trouve alors chronologiquement que sur les débuts de l'agriculture et la pleine agriculture, ils se produisent en interruption de façon que les sites avec une agriculture en plénitude sont toujours différents des sites où on a commencé le premier début. Et cela coïncide parfaitement avec un changement climatique. Cela ne veut pas dire que c'est une influence du climat. Et bien sûr, le climat a changé le mécanisme économique de ces populations. Bon, on essaie de faire le même pour comprendre l'expansion de Chassé vers le nord-est de la péninsule ibérique et nord de l'Italie. Mais ça, c'est une chose que nous sommes en train de faire. On arrive à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, analyse espace-temporelle? La séparation des composants de l'espace-temps selon la définition des variables, la possibilité de l'analyse quantitative de ces composants et surtout des relations spatiales et temporelles et surtout la question quels sont les problèmes archéologiques, où, quand et pourquoi. On a vu comme en archéologie on peut essayer de faire de trouver des solutions à ces questions. La question de où, la question de quand, et finalement la question de pourquoi. Essayez. Il y aurait éventuellement la place pour une seule question, si possible, la plus passionnante de l'histoire. Tout à coup, personne ne va oser. Bon, on va au moins une ou deux questions, quoi, l'histoire. Une question de définition. Vous avez défini le temps, vous avez défini l'espace. l'espace. Vous avez beaucoup insisté sur un aspect qui est, moi je suis très d'accord, qui est la question du vide. Vous n'avez pas défini ça, le vide. La question. Alors, le vide, évidemment, c'est la mesure zéro. Mathématiques, c'est très, très facile de définir le vide comme zéro quantité. Zéro quantité, ça veut dire qu'il faut repérer qu'il n'y a rien. Mais ça veut dire quoi, rien ? Il n'y a jamais rien. Rien, signifie que vous avez une variable. Alors attention, parce que toute cette analyse, c'est toujours la décomposition initiale. Vous avez une variable. Quelle est la variable ? Quantité de la poterie type 3. Bon. Dans cet endroit, il n'y a pas céramique 3. Dans cet endroit, il n'y a pas de os de mouton. Ça veut dire toujours lié à un élément. En fait, c'était pas parce que le vide en archéologie, c'est une notion. Pour cela, c'est le vide d'une variable individualisée. Toujours peut y avoir quelque chose. Bien sûr, il y a quelque chose. La seule façon que je peux pour décrire le vide, c'est dire ça, ça n'existe pas. Il y aura d'autres choses, mais pas ça. Moi j'ai trouvé que j'ai compris comme une incohérence le fait d'un côté de promouvoir le fait de tout enregistrer éventuellement avec un scanner 3D, etc. Et puis d'un autre côté le postulat de dire analyser l'espace, c'est décomposer et éventuellement du coup choisir les éléments qu'on va enregistrer. Alors l'idée c'est quoi ? C'est de scanner les couches stratigraphiques et ensuite d'aller sélectionner ce qu'on va compter ou... Parce que les scanners ce sont des millions de points. Mais pour le scanner, il n'y a rien. Quoi ? Il faut que nous donnons sens de la définition. Alors, on utilise une mesure de texture, par exemple. Scanner 3D, il y a un caméra photo, et on utilise la texture, une question de variation. Et sinon, vous, ces points, c'est un os de mouton. Cet autre point, c'est un liquide, lame, je ne sais pas quoi. Mais l'enregistrement exhaustif ne dispense pas ensuite d'aller... Exhaustif, ça veut dire aussi discrimination exhaustive. Voilà. C'est pour cela que j'ai insisté avant. Si existe l'espace, il y a discrimination. Si vous ne pouvez pas discriminer, alors si vous allez fouiller sur une plage, c'est la pire de tous les fouillés possibles. Parce que les sables de plage, c'est impossible de trouver des différentes couches. Par un problème post-processionnel de porosité. Bon, de toute façon, là, on n'a pas le temps parce qu'on reçoit après Thalie Osenac, qui est à côté de moi. On va faire une